R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. And R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Salut tout le monde, c'est encore un home recording que je vous fais, une saga faite à la maison avec mon matériel et toujours avec John, Paul, Ringo et George en vedette alias les Beatles. L'album de la semaine, c'est l'album Walls and Bridges de John Lennon en 1974. Il y aura Whatever Gets You Through the Night, il y aura Bless You, il y aura plein d'autres choses parce que je n'ai pas la playlist sous les yeux. Alors tant pis pour vous, vous découvrirez ça un peu plus tard. Nous aurons par contre pour George Harrison par exemple See Yourself sur l'album 33 and One Third en 1976. Nous aurons Bebop, j'aime bien cette chanson Bebop de Paul McCartney sur Wildlife. Et pour Ringo Starr, ce sera Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond, chanson écrite par George Harrison pour son pote Ringo en 1973 sur l'album Ringo. Et c'est une chanson, ben, moi je trouve que ça ressemble pas à du Harrison. Et donc c'est bien, justement. Donc on écoutera ça au cours de cette saga qui va durer à peu près 2 heures et qui est donc enregistrée. Donc vous pouvez aller sur Facebook, dans le groupe La Saga des Vapeurs, pour commenter. Parce que peut-être que je pourrais commenter aussi. Vous pouvez aller sur le groupe macaclub.com pour commenter dans le groupe La Saga des Vapeurs ou sur le groupe yellowsub.fr si vous êtes j'allais dire abonné, si vous êtes si vous êtes dans ce groupe là pour commenter sur le groupe La Saga des Fafors également. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée puisque cette émission devrait se dérouler entre 20h et 22h sur RIG bien sûr 90.7 pour ceux qui peuvent la capter en FM, et pour le reste de l'univers c'est sur www.rigfm.fr. Nous sommes en 1974 et il y en a un qui n'a pas la frite, c'est monsieur John Lennon, puisqu'il est séparé de Yoko Ono temporairement. Elle lui a mis entre les pattes, si j'ose dire, Mei Pang, pour qu'il s'occupe quand même, qui est une jeune chinoise, je pense, asiatique en tout cas, c'est certain. Mais il n'a pas le moral parce qu'il aime vraiment Yoko Ono. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il fait un album un peu triste, mais il pense avoir perdu un peu le feeling, quoi. Et donc il fait appel à son ami Elton John, qui lui dit tiens, voilà les chansons, enfin il lui dit à Elton John, voilà, j'ai fait ça, il y a quoi de bien à ton avis? Elton John lui dit, il y a Whatever Gets You Through the Night, je suis certain que ça va te faire un succès parce que ça allait bien et je vais y participer. Mais si je fais ça et si ça devient un numéro 1, tu viendras dans un de mes shows et tu viendras sur scène. Et ben, chose dite, chose faite, il y a Elton John au piano sur cette chanson-là. Et comme ça deviendra son numéro 1, il viendra sur scène en 1974. Et c'est grâce à ça qu'il va retrouver une certaine Yoko Ono. Voici la chanson en tout cas, parce que pour les histoires d'amour, ça, moi, ça, je les laisse à ceux qui les vivent, c'est tellement mieux comme ça. Whatever gets you through the night, it's alright, it's alright. Bet your money. Through your life, it's all right. It's all right. Do it wrong or do it right. vous n'avez pas précisé que Elton John chantait également, il ne faisait pas que faire le piano, mais vous l'aviez deviné, vous aviez deviné qu'il y avait une seconde voix. Voici George Harrison sur RIG. Parole très philosophique, il est plus facile de regarder le bouquin sur l'étagère que de se voir soi-même. Deux secondes pour vous montrer l'inspiration reconnue d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy de Bebop de Paul McCartney. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bebop, je vais à l'école, j'entends belle parole doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, ta gueule à la récré. Voilà, c'était juste comme ça. Suite de la saga sur RG. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les papas. Life had for free when you're out in the country, that's why. most folks just bore me. Always in posing, and I'd rather meet a tree somewhere out in the cornfield. And it's a sunshine. Avouez, comme je l'ai dit quand même, que c'est pas le style de George Harrison, mais c'est bien, tant mieux. Tant mieux, c'est une belle chanson country, tout à fait dans le registre vocal de Monsieur Ringo Starr. En 1995, ils se sont réunis pour reformer virtuellement les Beatles pour les Beatles Anthology. Yoko Ono a passé une cassette de plusieurs chansons aux Beatles restants, enfin aux trois Fab Four, on va dire, et ils ont amélioré ce qui n'était que des démos à l'origine. On en a retiré Free as a Bird et Real Love. Voici celle qui m'a vraiment fait craquer en 1995, qui m'a tiré la larme à l'œil, je le dis à chaque fois, parce que reentendre la voix de John Lennon et la voix de Paul McCartney venir se plaquer en harmonie sous la voix de John Lennon, c'est terrible. C'était en 1995 et c'est Free as a Bird sur RG dans la saga des Fab Four. 1900, en 2015, cette chanson aura déjà 20 ans. Ça passe. Celle-ci, c'était en 1974 sur l'album de la semaine Walls and Bridges et le titre du morceau c'est Bless You. La gestation de l'album, Yoko est pourtant plus présente sur Walls and Bridges que sur n'importe quel album de Lennon auquel elle a participé. Elle aurait d'ailleurs mieux fait de ne pas participer, ça c'est mon avis personnel. Avec son ambiance vaguement orientale, Bless You l'invoque de façon purement émotionnelle. Ballade aussi délicate que les meilleures qu'il ait écrites, elle voit John donner tendrement sa bénédiction à sa partenaire perdue et au nouvel amant qu'elle aura trouvé. En tant que telle, elle forme un contraste saisissant avec toutes ses chansons du type Jealous Guy, par exemple. Il n'affirme pas cette fois qu'il préférait l'avoir morte plutôt qu'avec un autre. Et pourtant, s'il a trouvé la force et la maturité d'accepter son indépendance, il n'en perd pas pour autant ses sentiments. Le message final de Bless You est que lui et Yoko restent liés spirituellement. Leur amour transcende leur séparation physique. De fait, Yoko ne resta pas seule durant le week-end perdu de John. Durant l'enregistrement de l'album précédent, Mind Games, elle s'était particulièrement bien entendue avec le guitariste David Spinoza, à peu près à l'époque, justement, où débutait la liaison de John et de May Pang, j'en ai parlé tout à l'heure. Si John concevait une quelconque appréhension envers l'affection de Yoko pour Spinoza, il avait en tout cas acquis assez de maturité pour composer une chanson aux sentiments aussi nobles que Bless You. Si ce morceau avait été inclus sur un album comme Imagine, il serait certainement plus populaire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, même s'il s'agit d'un morceau peu connu de John, il semble qu'il trouva son public en la personne de celle à laquelle il était destiné. Il n'y a rien de surprenant dans le fait que Yoko ait inclus Bless You dans Men Love Avenue, un album posthume fait de démos et de matériel inédit des années 70, paru en 1986. Lorsqu'il joua la première fois Bless You à May Pang, elle le rassura sur la façon dont Yoko percevrait cette chanson. « C'est une chanson magnifique », lui dit-elle. « Elle va l'adorer. » Sûrement. Voici Ringo, non, pas Ringo, enfin quoi que je crois qu'il est là, puisqu'il est présent sur la pochette, sur un album de Carl Perkins, Carl Perkins and Friends. Voici George Harrison qui chante son pote, Blue Sweat Shoes. Well, it's a war for the man, and two for the show. I tell you to get ready now. Exactly 30 years ago this month. Je dis que cette chanson-là, il l'a écrite en 1954. C'était il y a 30 ans, à l'époque de l'enregistrement de ce morceau-là, en tout cas. On a écouté George Harrison. On le double avec un morceau instrumental. Tiré plutôt de l'album Brainwashed de 2002, Mahoua Blues sur RG. Oh, Spencer, comme George savait si bien le faire, George Harrison, sur l'album Brainwashed. Ça manque un petit peu de Paul McCartney. Alors on a doublé George Harrison il y a quelques instants, on va doubler Paul McCartney avec Sing the Changes, tiré de l'album Electric Arguments. Puis il y aura See Your Sunshine sur un autre album, l'album Memory Almost Full. Et c'est sur RG, c'est dans la saga des Fab Four. Enregistré, messieurs, dames. Paul McCartney. McCartney une fois, il y a McCartney deux fois. She makes me feel glad, I want her so bad, my heart is beating madly for her. If you ask me why, I'm not gonna lie, I'll have to say that I adore. Ooh.

le dit si bien, ah bah Wakawa, poussez, poussez, c'est évident. En 1985, George Harrison participe à la bande originale d'un film qui aurait très bien pu passer inaperçu. C'est un film pour ados que j'ai vu à l'époque. En 85, j'avais 21 ans. Donc j'étais un post-ado, on va dire. Et le titre, il me semble, c'était Porky's Revenge. C'est une histoire d'étudiants avec des tas de filles à moitié nues, quelque chose comme ça, voilà. Et le titre du morceau, c'est une reprise, c'est une chanson écrite par Bob Dylan au début des années 70. Et donc, c'est pas une chanson écrite par George Harrison, mais le titre du morceau, c'est I Don't Wanna Do It. Like you don't have another day. I don't wanna do it. I don't wanna make you cry. Let's go back on the hill beside the track. I'm trying to concentrate on all the places that I wanna be. You know it shows you that I can't go away. So come back into my arms again. Worth the rain to have a little sunshine, and you seen them pay for her affection. But when morning comes, no one calls her name. She wakes to find no sign of appreciation. Still, she isn't wearing any shame. She's a woman of the night, and I love her. Although in love, my silver doesn't buy. It's worth the rain to have a little sunshine. And you laugh much louder when you've learned to cry. Actif Ringo Starr en 1970, puisqu'il fait d'abord l'album Sentimental Journey avec des chansons des années 20, 30, 40 pour faire plaisir à sa maman, à ses dires. Et puis il enregistre dans la foulée un album à Nashville, un album country dont vous venez d'entendre un titre, Woman of the Night. Il participe également à l'album All Things Must Pass de George Harrison en tant que batteur, forcément. Et il participe à l'album de John Lennon, pas McCartney, forcément. Parce que McCartney, bon, sur le moment, en 1970, ils étaient censés être fâchés. Mais ça dure jamais longtemps avec Ringo Starr, puisque c'est le copain de tout le monde. Mais oui, fâché, parce que c'est lui qui a dit, bon, bah, les Beatles, j'en veux plus. Mais c'est lui qui a eu raison, à la fin. Donc, voilà. Et puisqu'on parle, on a parlé de Sentimental Journey, des chansons des années passées, eh bien, en 2012, Paul McCartney nous a sorti son album à lui de vieilles chansons, avec une voix vieillie volontairement, non, pas vraiment, mais en tout cas, il n'a pas cherché à cacher sa voix pour la rendre plus jeune ou quoi que ce soit, et ça donne très très bien un album très, vous savez, jazz, bar, quoi, club, un truc comme ça, prenez une boisson avec quelqu'un que vous aimez bien, tranquillement, et vous entendez ça. Et l'une des chansons les plus agréables, les plus belles de cet album-là, c'est Accentuate the Positive. Vous savez, avec le dentier, Accentuate. C'est écrit comme ça. J'y peux rien. Voici l'album, la chanson sur l'album Kisses on the Bottom en 2012, Monsieur Paul McCartney, qu'on va doubler aussi. Got to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man, they said we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. Last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. With Mr. In Between. Et deux ans auparavant, il nous a fait peur, Paul McCartney, parce qu'il écrit une chanson qui s'appelle I Want to Come Home. Et puis le thème de la chanson, c'est j'en ai marre, je suis fatigué d'être resté dans la lumière pendant longtemps. Je veux retourner à la maison et puis être tranquille. Enfin, globalement, hein, je résume. Et là, je me suis dit, mince, c'est ça y est, il va arrêter. Mais non, c'était la chanson d'un film qui s'appelait, qui s'appelle d'ailleurs toujours Everybody's Fine avec Robert De Niro. Et le héros, Robert De Niro, justement, est quelqu'un qui est fatigué, etc. Donc la chanson ne fait qu'illustrer le film, mais c'est une très belle chanson. For so long I was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging under the moon, heading into the sun, but it's been too long. Now I wanna come home. Came so close to the edge of defeat, but I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun, but it's been too long. Now I wanna come home. Home where there's nothing but sweet surrender to the memories from afar. Home to the place where the truth lies waiting. We remember who we are. For too long I was out of my own. Sun, but it's been too long. Now I wanna come home. To believe every story I told. It was fun hanging on to the moon and into the sun, but it's been too long. Now I wanna come home. Yeah, it's been too long. Now I wanna come home. Been too long. Too long. Now I wanna come home. Maintenant, quelque chose de complètement différent. Retour à l'album de la semaine. Retour à l'album de la semaine. Laisse-moi le dire, le réalisateur. John frappe fort. You don't know what you got until you lose it. Sur Walls and Bridges. One. nous arrivons à la 17e position, le moment de la cover. La cover qui, cette fois-ci, je vous ai répète le principe de la cover, c'est une chanson chantée par l'un des quatre, John, Paul, Ringo, George ou les Beatles, chantée par quelqu'un d'autre, que ce soit un artiste connu ou pas, ça peut être vous, et ça va être le cas, et ou alors même l'original repris par les Beatles, par exemple un Little Richard que les Beatles auraient repris, ou un Carl Perkins d'ailleurs, pourquoi pas. Et bien là, je vais faire plaisir à un copain américain qui vit en Floride, qui s'appelle Edgar Zarasti, et qui n'arrêtait pas de me dire, j'ai un groupe qui s'appelle Los Ratones, je parle pas espagnol, hein, donc désolé, et il nous a fait une reprise de While My Guitar Gently Weeps en espagnol. Alors, je ne comprends pas l'espagnol, donc pour moi c'est moins intéressant, mais j'ai voulu lui faire plaisir quand même. Là voici sa reprise, écoutez. Necesita que alguien limpie mi guitarra y llorará. No sé por qué nadie te dijo cómo debes de amar. No sé por qué te controlaba, te traficaba. Yo miro al mundo que está girando. Estamos aquí aprendiendo. Mi guitarra llorará. Yeah.

I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. J'imagine à peine les difficultés auxquelles George Martin a dû faire face quand Lennon arrivait en disant « Voilà, je voudrais que le son soit comme ça, je voudrais que ça fasse ça, je voudrais que ça fasse ça. » Parce que Lennon avait une idée précise, mais dans sa tête, pas évident. Alors que McCartney, il arrivait plutôt avec des idées bien toutes faites et il voulait obtenir un son et il réussissait à l'avoir. Mais bon, il avait des traits de génie que Paul n'avait peut-être pas. Et McCartney était certainement beaucoup plus bosseur que John. Et encore, ils étaient très forts tous les deux, très forts. On a doublé tout à l'heure, on a doublé Paul, on a doublé McCartney. Oui, c'est, je l'ai dit, on a doublé George Harrison. Pourquoi pas doubler les Beatles ? Les voici à nouveau. I'm the Walrus sur le même album, l'album Magical Mystery Tour, sur RIG, dans la saga des Fab Four, enregistré. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman, they are the Eggmen. singing Hare Krishna. Oh, you should have seen the kick in every round of the car. J'adore cette chanson, elle est vraiment extraordinaire. Plein psychédélisme pour les Beatles, mais quel talent, quel très très très très belle chanson. On retrouve John Lennon 7 ans plus tard, entre 1967 et 1974, sur l'album Walls and Bridges, qui est l'album de la semaine de cette saga enregistrée. Et le titre du morceau, c'est Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. Moi, j'aurais pensé que Paradise, ça rimait avec Surprise, Surprise, mais il nous a joué un tour, John Lennon. Saga des Fab Four. Listen to me, we can give it a try. I'll look McCartney en 2013 sur l'album New. Et le titre du morceau, c'est I Can Bet. J'adore McCartney parce que quand même, depuis les années 60, il n'arrête pas de créer, même avant, hein, puisqu'il a commencé à créer des chansons dans les années 50. Mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux de ne pas se reposer que sur ses lauriers. Bon, c'est vrai que dans le concert, il chante, allez, 50% de chansons Beatles, mais le public le réclame. Moi, je me souviens, j'ai vu McCartney la première fois en 89, j'avais 25 ans. Quand je l'ai entendu chanter Hey Jude, je me suis dit, bon sang, je suis devant celui qui a créé Hey Jude. Et s'il ne l'avait pas chanté, ben, j'aurais été bien malade et bien malheureux, en tout cas. Malade, faut peut-être pas exagérer. Mais voilà. Donc, il a un passé très riche et il continue à créer, il continue à aimer ça. Et tant mieux, longue vie à toi, Paul. Ça, c'était en 1967. Fixing a Hole sur l'album Sgt. Pepper. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go.

des morceaux, des petites bribes d'une chanson dans d'autres chansons qui met des couplets avant ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt très très sympa, ça donne un nouvel air, quoi. Ça donne quelque chose de vraiment bien, une petite jeunesse quelque part, si vous voulez. Voici le dernier morceau de l'album de la semaine. Il est très triste et pourtant, je trouve que c'est l'un des plus beaux, écrit par John Lennon. Nobody loves you when you're down and out. Personne ne t'aime quand tu as pas le moral, quand tu es complètement abattu. Et à la fin, grande tristesse, il dit tout le monde t'aime. Everybody loves you when you're 6 feet in the ground. Donc ça veut dire tout le monde t'aime quand tu es 6 pieds sous terre. Bien triste. Et pourtant, c'est très très joli. Écoutez. Do I love you? c'est clair que c'est pas une chanson à écouter quand on est en déprime, mais néanmoins c'est une très très belle chanson de John Lennon. Je vais laisser la parole maintenant à Paul McCartney, et pour ceux qui ne sont pas anglicistes, je vais tâcher de traduire. The very first song the Beatles ever recorded. La première chanson que les Beatles ont écrite. Actually, this was pre-Beatles. En fait, c'était avant les Beatles. John, George and myself. C'était John, George et moi. A couple of other guys, pianist called Duff. Copains. And Colin, the drummer. And we went down to a little studio in Kensington in Liverpool. Kensington, and we paid £1 each to make this little shellac recording. On a fait un petit, and the idea was that acetate, je crois que ça s'appelle. We keep it, each of us, l'idée, for a week. On gardait l'acétate pendant week, John had it for a week. Une semaine chacun. George had it for a week and Duff had it for 23 years. Voilà. John l'a gardé une semaine, George l'a gardé une semaine, j'ai gardé une semaine et je ne sais plus qui l'a dit. Anyway, il l'a gardé 23 ans. This is the song that we recorded then, and there actually is a little bit in it for you. Et puis là, voilà, c'est la première chanson qu'on a écrite, et puis je vais avoir besoin de vous. I'm sure you'd love to sing along. Your bit goes. Faudra faire ça. Donc je compte sur vous. Allez, je vous laisse écouter. In spite of all the danger, in spite of all that may be. Cause me, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll look after you like I've never done before. I'll keep all the others. At your door, in spite of all the danger, in spite of all that may be, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me.

nous sommes arrivés aux 2 heures de Saga des Fab Four enregistrées, donc je suis obligé de passer le jingle de fin, enfin pas le jingle, le générique de fin, et de vous dire au revoir, merci, à la prochaine fois, salut. Et puis Eric doit sûrement être là derrière moi, impatient. Alors Eric, c'est quand tu veux, bonne émission, ciao.